Ah bah c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que t'as avec ton flingue, quoi? C'est un tap. Continuez à jouer. Je veux que vous continuez à jouer et que vous me donniez, vous me donniez votre porte-monnaie. Non, mais déjà, on n'a pas de thunes et ensuite, il a perdu un bras. Tu vois pas du tout. Mais je m'en fous, vous allez continuer à jouer, sinon je bute. Baptiste, t'es prêt à jouer? C'est trop mal. Tu tapes, tu fermes ta gueule et tu joues. Alors que tu joues, Baptiste. Alors que tu joues. Ok, on va faire un truc. Attendez, je vais trouver quelque chose. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, ça c'est gros vie, ça. Allez, mes amis, Montre ce que t'as dans la poche droite. En tout cas, moi, je me suis déjà pissé dessus. J'ai pas un peu peur, c'est vraiment la méga pousse. Pas les gars là. Oh. Écoutez-moi.